Hello, hello les danseurs, je suis Laura, votre co-chef d'orchestre pour la discussion qui va suivre. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Entreprise Love Freelance, qui interroge justement les entreprises sur leur vision du monde du travail et du freelancing. J'ai eu le plaisir de préparer et enregistrer cet épisode aux côtés de la douce Nina. Freelance en design graphique, elle est apprentie chef d'orchestre et s'est jetée dans le grand bain pour ce tout premier podcast. J'espère que vous aurez plaisir à la retrouver dans les prochains épisodes Made by Nina. En préparant cet épisode, j'ai appris que 70% des projets de conduite de changement échouent essentiellement à cause de la résistance des collaborateurs. Source McKinsey. Et pourtant, nous sommes nombreux à prôner souvent le changement, la transformation. On a envie que les choses bougent. Mais au fond de nous, individus, êtres humains que nous sommes, sommes-nous vraiment prêts ? Prêts soi-même pour le changement collectif. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a un impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Vanessa Vierling, cofondatrice et CEO de Springlab, présent à Paris et Toulouse. Alors, qu'est-ce que c'est Springlab ? C'est une agence de conseil en stratégie d'innovation et de transformation. C'est un acteur clé du changement. Avec la mise en place d'ateliers faisant appel à l'intelligence collective, ils aident les entreprises à trouver des solutions et à faire émerger des stratégies tout en s'alignant à une vision. Leur démarche comprend plusieurs phases d'idéation, de la facilitation, de temps fort, collectif, individuel, afin de faire converger vers une solution alignée. Il s'agit d'un cheminement, d'un accompagnement pour créer de la valeur et un impact durable. Vous verrez dans cette interview, Vanessa est déjà dans la transformation du mode du travail dans sa propre entreprise. Nous avons adoré son partage de bonnes pratiques en termes de management, activable peut-être immédiatement dans votre structure. Elle nous parlera aussi de ses collaborations qui mixent salariés et freelance. Au plus proche des décideurs, ses clients, elle nous livre aussi sa vision du monde du travail dans 5 ans. Laissons maintenant la parole à Vanessa qui saura nous transmettre la mission et les valeurs de Springlab. Bonjour Vanessa, bonjour Nina. J'espère que vous allez bien. En pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode hivernal. On est plutôt au chaud et on a plutôt de la chance. Je vais commencer par te poser quelques questions, Vanessa. Alors, je te tutoie pour les auditeurs parce que je connais déjà un petit peu Vanessa. Et j'ai eu le plaisir d'échanger sur divers projets avec toi. Donc, peut-être que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs, nous raconter qui tu es, ce que tu fais et nous parler bien sûr de Springlab. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc, moi, je m'appelle Vanessa Vierling, j'ai 49 ans et je suis mère de 2 enfants. En plus de Springlab que j'ai fondé il y a 10 ans, j'ai fait un parcours dans des grands groupes cosmétiques, Yves Saint Laurent, puis Dior, chez LVMH. J'ai appris plein de choses, le commerce, le marketing, la stratégie, l'innovation, mais dans une grande groupe, dans une grande structure globale. Et j'ai fondé Springlab sur la conviction qu'il y a des choses qui tournaient pas rond dans ces grandes entreprises, qui manquaient d'agilité, capacité de se remettre en question, de capacité à réellement mobiliser les collaborateurs. Tu vois, tu disais 70% des projets de transformation échouent parce que les collaborateurs ne sont pas engagés. Eh bien, c'est vrai. Et puis, enfin, ils sous-estimaient ces grands groupes totalement le potentiel énorme que représentait le digital, le risque aussi, il y a 10 ans. Et du coup, j'ai fondé Springlab avec une amie d'HEC avec qui j'avais fait... mes études. Elle était à l'époque directrice marketing de Google en Europe et on était très complémentaires dans nos parcours, dans nos envies, avec beaucoup de valeurs communes et la volonté en tout cas de porter un nouveau regard sur l'économie qui était en transformation, qui allait subir soit un tsunami, soit peut-être une merveilleuse vague sur laquelle surfer. En tout cas, nous, on avait envie de jouer un rôle dans l'accélération de la transformation de l'économie. Ça, c'était il y a 11 ans. Depuis, on a évolué de la transformation numérique à l'innovation. Puis, on s'est dit, bah, finalement, OK, les projets innovants, c'est très bien. Mais ce qui manque, c'est exactement ce dont tu as parlé, c'est-à-dire la culture de l'innovation, comment on embarque les collaborateurs dans ces transformations. Et c'est peu à peu ce vers quoi SpringLab a évolué. Et puis, en 2021, on a voulu aligner nos valeurs personnelles, nos convictions personnelles, en disant ben, il y a aussi des enjeux climatiques, environnementaux, sociaux, sociétaux qui se passent aujourd'hui. Et on a envie que l'innovation que l'on fait émerger, elle soit pas seulement pour développer plus de business, mais qu'elle soit aussi là pour une croissance durable, pour un impact positif. Et c'est ce virage-là qu'on a choisi de prendre avec toutes nos collaboratrices. C'est vrai qu'on est beaucoup de femmes chez SpringLab. Et on est devenue société à mission en septembre 2021, qui était la concrétisation d'un long chemin. On a construit ensemble notre raison d'être, qui est initier le mouvement pour un futur souhaitable ou vers un futur souhaitable. Mmh. Et puis, on a défini notre proposition de valeur qui est justement de développer l'innovation à impact positif, développer l'impact positif des entreprises que l'on accompagne. Donc, non plus seulement une innovation de transformation pour être plus agile, plus fort, plus gros, mais pour développer un impact positif sur le monde, sur la société et pour la planète. Du coup, un changement sur des valeurs et des valeurs sur lesquelles vous êtes alignés pour toujours, j'imagine que c'est un changement plus facile et plus en douceur pour embarquer notamment les collaborateurs. Ah bah, effectivement, elles sont à l'origine de ce pivot ou de cette nouvelle raison d'être. De les embarquer dès l'amont sur le constat qui est qu'on est dans une société où il y a des enjeux climatiques, environnementaux, sociétaux, et qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut agir. Elles ont toutes en elles ces convictions très profondes. Et de passer en fait à des convictions personnelles, à un projet d'entreprise, et ben c'est la meilleure façon d'être complètement aligné. Et ce qu'on a devenu, ce que SpringLab a révélé au mois de septembre, est complètement incarné d'emblée par les collaboratrices qui trouvent là finalement l'occasion, l'opportunité de faire l'entreprise dont elles rêvent. Super, super. En tout cas, c'est l'entreprise qui fait rêver. C'est sympa, en tout cas, ça nous fait rêver, déjà. Alors, lors de notre discussion de préparation de l'épisode, tu nous as beaucoup parlé de l'intelligence collective. Qu'est-ce que c'est pour vous et comment la mettez-vous en place au sein de votre entreprise et de vos projets chez les clients ? Alors, c'est vrai que c'est un marqueur vraiment de nos méthodes parce que bah, pour que les projets, la transformation soient complètement adoptés, rien de mieux que de faire en sorte que ce ne soit pas seulement un COMEX, un comité de direction, mais que l'ensemble, en tout cas le plus grand nombre, puissent participer. C'est la meilleure façon de développer l'appropriation, de faire en sorte que les collaborateurs sont des parties prenantes clés, des acteurs, des changemakers, mais aussi parce que finalement l'innovation vient de la confrontation de différents regards. Si on est complètement entre soi, entre codir, qui auront la même, plutôt des hommes, plus de 50 ans, c'est pas évident que naisse quelque chose de complètement surprenant, de complètement décalé. Et l'intelligence collective, ça a ça de formidable, ce que ça met autour de la table des gens du marketing, du legal, de RH, de la fonction logistique, de la fonction prod, de la R&D, voilà. Et toutes ces expertises-là, femmes, hommes, la diversité, c'est ça qui crée souvent des choses nouvelles. Et l'innovation a besoin de ça. Donc, à la fois pour des raisons de créativité, des raisons d'appropriation, on pense que c'est indispensable d'avoir recours à l'intelligence collective. Comment ça se concrétise ? Eh bien, on fait des ateliers, effectivement, d'intelligence collective où on va faire de la co-création, du co-design, du prototypage ensemble. On va faire de la divergence, de la convergence. Donc voilà, ça c'est des ateliers. Après, on a aussi des dispositifs qui sont à plus grande échelle. Donc on va parler d'intelligence collective massive. Là, on va faire appel à des plateformes digitales qui lancent des débats et qui permettent aux collaborateurs de réagir, de faire des propositions, de diverger, de converger. Enfin, voilà, on a tous ces outils digitaux qui permettent non seulement de faire appel à l'intelligence collective de 20-30 personnes, mais 20 000, 100 000 personnes. Et voilà, donc le digital permet cette très grande échelle. Et donc, nous, on utilise tous les outils, à la fois physiques, présentiels, comme digitaux, pour que, de plus possible, on puisse faire intervenir des profils différents, le plus grand nombre de personnes, à la fois sur des projets, mais aussi pour des constructions de stratégies. Et du coup, j'imagine que c'est plus, peut-être, ça me semble plus facile de faire diverger que converger, non ? Alors, c'est vrai que la créativité et d'ouvrir grand le champ des possibles, c'est plus, sans doute plus stimulant qu'à un moment donné lorsqu'il faut prioriser, atterrir, conclure, se mettre d'accord. Ouais. Mais bon, ça, c'est le job des facilitateurs aussi, que d'arriver à faire définir ensemble des critères qui permettent ensuite de sélectionner les idées. Mmh. Bon. Voilà, on a aussi des principes de réalité qui sont qu'on peut pas, il faut choisir. Et après, il y a plein de techniques qui permettent de voir qu'est-ce qui recueille le plus de likes, si on veut être simple, ou bien qui remplissent des critères de faisabilité, de quick win ou d'impact. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui va avoir le plus grand impact positif, le moins d'impact négatif. Ouais. On définit ensemble des critères et après on les applique. Ouais. Il y a plein de méthodes, effectivement, mais la divergence est plus naturel, si je veux dire. Ouais, j'imagine. Et pour rentrer, je sais que tu appliques aussi tous ces concepts d'intelligence collective au sein de ton entreprise, avec tes équipes. Tu en as un peu parlé tout à l'heure. Comment vous vous organisez un petit peu chez Spring Lab? Quel est le fonctionnement en interne? Comment tu manages les équipes? Un petit peu tout ça. Je pense que tu as plein de bonnes choses à nous raconter. Alors, dans le fonctionnement, on est une petite boîte, donc c'est plus simple que des gros paquebots. On est 15, on est basé à Paris et à Toulouse. Donc ça, c'est peut-être la petite difficulté, c'est qu'on n'est pas tous ensemble et que bon, le télétravail ne nous a pas donné beaucoup d'occasion d'être très souvent tous ensemble. Mais sinon, notre organisation, elle est profondément en cercle. Et les cercles, ce sont souvent des projets pour nos clients ou des projets internes. Par exemple, notre métier, c'est d'accompagner le client. Chaque accompagnement de client nécessite la constitution d'une équipe pluridisciplinaire avec des chefs de projet, des designers, des facilitateurs, des directeurs de projet. Voilà. Et donc, on va constituer des équipes comme ça. Et on peut très bien faire partie de 4 équipes différentes, puisqu'on travaille sur 4 missions différentes. Donc ça, l'organisation la plus courante, et elle peut durer 15 jours, 3 mois, 6 mois, selon la durée de la mission. Ensuite, on a un rapport managérial, donc chaque personne a un manager ou une manager qui est un peu son fil rouge pour évaluer ses compétences, mettre en place un plan de développement des compétences. Et donc, il y a un management de proximité qui permet de faire le point très régulièrement et de progresser. Et puis, ce que je peux dire aussi, c'est qu'on est très horizontal dans notre organisation. Il n'y a pas 15 niveaux. C'est très, très simple, en fait. Ouais. Moi, je peux avoir, même si d'un point de vue managérial, je ne travaille pas... je suis en direct avec une stagiaire, donc je peux être complètement en direct sur des projets avec des stagiaires. C'est très très mais déjà, il n'y a pas vraiment d'hierarchie. Ta définition du manager, tu as dit que c'était quelqu'un qui était là pour faire progresser. Donc déjà, c'est aussi se tirer les uns les autres vers le haut. Ouais. et créer une émulsion pour avancer. Donc rien que cette idée là, et je trouve intéressante. Et si on va un petit peu plus loin, quand tu parles de cercle, de mission, justement, il y a aussi cette idée de rôle et de multicasquette, finalement, qu'on peut avoir au sein de Spring Lab. qui permet peut-être de développer des missions qui sont fruits d'épanouissement ou d'accomplissement, en tout cas professionnel. Ouais, complètement. Donc, notre organisation est mouvante et il y a des rôles, en plus d'être chef de projet. Donc, les métiers de base, c'est chef de projet, directeur de projet, directrice de projet, designer, facilitateur. Donc, ça, c'est les métiers un peu de base, enfin, typiques. Et à chaque fois, il y a un rôle supplémentaire que chacun a. Par exemple, il y a le rôle de Chief Culture Officer, donc, qui est de développer, de faire en sorte que les valeurs de l'entreprise qu'on a co-construites ensemble soient incarnées et diffusées auprès de tous les collaborateurs qui rentrent chez nous, mais aussi avec notre écosystème de partenaires, d'indépendants ou de sociétés avec lesquelles on bosse. Donc ça, c'est un rôle. Il y aura un autre rôle, par exemple, qui va être le référent Positive Impact. Ouais. Donc, il va représenter, il va faire en sorte de sensibiliser tous les collaborateurs à ce que l'impact positif et à conduire des projets qui vont développer la stratégie, les projets RSE en interne chez nous. Voilà, par exemple, il y a d'autres personnes qui vont être en charge du recrutement, d'autres personnes qui vont être en charge de la formation. Voilà. Donc, il y a des casquettes supplémentaires que chacun a et qui sont mouvantes. Hein. C'est pas toute la vie, tu seras en charge du change. Et puis, c'est sur, aussi sur proposition. On a une personne qui est une makeuse. Ouais. Elle apporte ces compétences-là et elle va faire grandir l'équipe sur cette dimension de prototypage. Ouais. Voilà. Donc, on peut être multicasquette. Ouais. Et c'est vraiment en fonction des talents. Ouais. Et des envies. Ouais. Parce que ça, c'est fondamental pour pouvoir créer de la valeur pour l'entreprise, de venir avec ce qu'on a envie de développer, ouais. ce qu'on a envie d'apporter. Et ce rôle, du coup, ils le portent seuls. En tout cas, ils sont un peu leaders quand ils ont cette casquette et ce rôle. Mais ils embarquent dans la réalisation le reste de l'équipe pour accomplir tous ces sujets. Quoi. D'abord, leur taf, ce sera de former les autres à ces compétences-là. Par exemple, la personne qui est makeuse, elle va former les autres personnes de Spring Lab à qu'est-ce que ça veut dire prototyper, comment on s'y prend, pourquoi c'est important et comment on fait. Ouais. La directrice du change, elle a une expérience et une expertise au change. Elle va nous faire ce qu'on appelle du reverse mentoring sur quelles sont les différentes stratégies de change, quelles sont les différentes façons de. Qu'est-ce que c'est la sociodynamique, comment ça se passe, comment on le repère, comment on joue avec et comment on l'applique sur des projets de transformation. Mmh. Reverse mentoring, c'est-à-dire que quelqu'un se positionne, en fait, quelqu'un qui est plutôt habituellement porté va à son tour transmettre. C'est-à-dire que tout le monde a quelque chose à transmettre aux autres. Et nos stagiaires, les premiers, ils arrivent, ils proposent quelque chose. Une jeune chef de projet nous a formé à la méthode CK. Enfin, voilà, tout le monde a quelque chose à apporter et on valorise ça énormément, non seulement dans le fait de transmettre, parce que pour nous c'est indispensable de transmettre, ça fait partie de nos valeurs. Et tout le monde a quelque chose à transmettre. Dans l'exercice de transmettre, il y a la pédagogie, il y a de la facilitation, ça c'est quelque chose de très important, et il y a aussi le fait de valoriser ses propres talents. Ouais. Et ça, c'est aussi quelque chose du développement personnel. Et ça m'intéresse, je rebondis encore une fois, parce que ça m'intéresse. Est-ce que c'est aussi ces rôles, c'est aussi la possibilité à des gens pour se former sur des sujets sur lesquels ils s'intéressent, et peut-être que personne dans la société n'a forcément les compétences, l'expérience, etc. Est-ce que c'est aussi des rôles sur lesquels on peut faire en apprenant en même temps? Complètement. On recrute beaucoup de personnes qui sont jeunes, donc qui n'ont pas une expérience phénoménale. Ouais. Et on leur donne la possibilité, si elles sont en animation, de se former. Et alors, la contrepartie, c'est qu'on dit, okay, très bien, tu te formes toi, mais nous, on a envie de savoir qu'est-ce que ça t'a apporté, et éventuellement que derrière, tu nous formes. Ouais. Donc, voilà, c'est oui. Y a un cercle vertueux, mais voilà, il faut pas avoir 15 ans d'expérience dans quelque chose pour prendre la parole chez Spring Lab. On peut être très jeune et avoir, et vouloir se développer dans quelque chose, mais avec, en arrière-fond de son écran, l'obsession de transmettre aux autres. Mmh. Génial. Et tout ça, j'ai une question. Du coup, toute cette notion de rôle, etc., de reverse mentoring, c'est aussi lié à la notion d'entreprise apprenante. Je sais qu'on en avait parlé. Oui, complètement. En fait, quand on traite de l'innovation, par essence, il faut que nous-mêmes, on soit toujours dans un mode apprenant, en fait. Mais à tout point de vue, c'est-à-dire que rien n'est vraiment figé chez nous, ad vitam aeternam. On a défini nos valeurs, même ces valeurs-là, on est prêt à les remettre sur l'établi et se dire comment est-ce qu'elles doivent évoluer. Rien n'est immuable et on doit être dans l'évolutivité permanente. Et ça veut dire qu'il faut qu'on soit curieux, qu'on soit en train d'apprendre en permanence. Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, deux réponses possibles, c'est parti. Salarié ou freelance? Alors, je vais pas, vous allez pas m'aimer, mais plutôt salarié. Mais j'aime beaucoup les freelances. Et on en a beaucoup, on a plus d'ailleurs de freelances que de salariés. Mais oui. C'est pour ça qu'on savait que ta question était intéressante. Présentiel ou distanciel? Présentiel. Post-it papier ou digital? Digital, ça évite après d'avoir à recopier et à faire des restitutions qui prennent un temps fou. Ouais. Et la colle, c'est mauvais pour la planète. Alors Vanessa, comment se déroulent vos accompagnements? Comment réagissent les décideurs quand il s'agit d'opérer des changements? Donc la première des étapes que l'on propose, c'est une phase d'inspiration. Cette phase d'inspiration, elle permet aux équipes dirigeantes qui ont entamé cette volonté d'innover ou de se transformer, c'est une étape clé pour elles pour prendre conscience de pourquoi il faut évoluer. Pourquoi il faut évoluer et que c'est possible. Donc on les fait rencontrer des pairs, des entreprises qui sont comparables, extrapolables, dans des univers qui sont semblables, mais qui sont sans doute un peu en avance par rapport à elles sur ces chemins, dans ces démarches de changement, pour qu'elles puissent s'inspirer de comment ces entreprises ont mené ces transformations, quelles ont été les difficultés, quels ont été les facteurs déclenchants, mais aussi les facteurs clés de succès dans ces démarches. Donc on appelle ça des « learning expeditions ». Mais ça peut prendre aussi le format de conférence où on a invité les acteurs à témoigner de leur expertise, de leur expérience, ou bien on va faire des benchmarks sur des prospectives de nouveaux usages qui émergent ou des secteurs qui sont complètement chamboulés. Quoi. Tout ça pour faire prendre conscience de l'urgence à changer et que c'est possible, si tant est qu'on ait tout ça en tête. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est une phase de construction stratégique. En général, ce sont de là. C'est une phase de co-construction stratégique où on va inclure un nombre de parties prenantes variées pour pouvoir alimenter le comité de direction ou les COMEX de différents regards. Donc une phase de construction stratégique. Puis ensuite, comme la stratégie, c'est bien, mais la mise en action, c'est encore mieux, on va travailler sur des projets, des gros chantiers d'innovation. Et on va accélérer ces projets-là avec des méthodologies de type start-up, de type design thinking, par exemple. Et en parallèle, on va travailler sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les collaborateurs se sentent partie prenante de cette démarche, à tout moment, avant, pendant, après. Donc on a l'inspiration, la construction stratégique, les projets d'innovation et tout le volet accompagnement des collaborateurs. Et ça va passer par définir comment la culture de l'entreprise doit évoluer, quelles sont les valeurs nouvelles qu'il faut faire émerger si on veut devenir cet acteur nouveau, comment est-ce qu'on va développer de nouvelles compétences, définir de nouvelles organisations, de nouveaux modes de gouvernance. Voilà, c'est tout ça. C'est très transversal en termes de disciplines sur lesquelles vous agissez au final, sur la marque, la compétence et la formation, j'imagine. C'est hyper transversal. Tous les leviers que vous avez actionnés, sur lesquels vous avez en tout cas une brique à jouer. Oui, c'est vrai qu'en général, on travaille pour des directions générales parce qu'elles ont ce niveau transverse et oui. où tu vas mettre autour de la table. Évidemment, il faut faire évoluer les produits. Mmh. Évidemment, il faut faire évoluer les organisations, pour être sur le RH. Évidemment, il y a tout le supply, l'éco-circularité, la dimension RH, la montée en compétences, enfin, le développement personnel, les managers, le manager d'équipe. Voilà. Tous ces strates-là de l'entreprise doivent travailler ensemble de manière transversale, comme tu le dis, désiloter. Ouais. Voilà, en mode projet. Ouais. Donc, ouais, ça, c'est sans doute la plus grande révolution qu'on fait émerger. C'est cette transversalité qui est un vrai défi. Et oui, oui, oui. Et du coup, ça m'amène à réfléchir sur vous, dans votre accompagnement. Du coup, vous êtes plusieurs profils. Je ne sais pas, en moyenne, sur un projet, vous êtes deux, trois. Quatre profils complémentaires à intervenir, et du coup, c'est peut-être là où la complémentarité entre salariés et freelance intervient. Alors, on a effectivement des missions qui peuvent être des missions de conseil au long cours, où là, il va y avoir un cœur d'équipe avec une ou deux chefs de projet, une ou deux directrices de projet. Mm-hmm. Et puis, il va être agrégé lors des temps forts, par exemple lors des ateliers d'intelligence collective, ou lorsqu'il faut prototyper, on va aller chercher des freelance, des facilitateurs externes, des designers qui viennent renforcer l'équipe projet interne. Et puis, on fait équipe avec nos clients aussi. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas une équipe seule qui arrivons, qui faisons les choses. On constitue une équipe projet avec le client et eux-mêmes, on leur demande de mettre autour de la table des gens qui viennent du marketing, des RH, de la transfo, de l'INO. Parce que c'est avec ça qu'on va arriver à faire un projet qui est vraiment transverse et qui peut toucher largement l'entreprise. Et de leur libérer du temps, j'imagine, pour ce projet-là. Ouais, c'est un petit pain point. Oui. Où effectivement, bah, les projets de transformation, ce n'est pas des projets... Oui. Évidemment, c'est des gros projets. On sous-estime souvent la charge que ça va représenter. Et du coup, je rebondis un petit peu sur toujours la partie freelance, puisque tu en côtoies et puis tu côtoies aussi des décideurs et c'est ce qui m'intéresse. Et j'aimerais bien prendre un petit peu ton avis à ton sens. Comment nous, les freelance, ou nous, par exemple, à l'échelle d'un collectif de freelance, on pourrait encourager les décideurs à modifier un petit peu leur mentalité vis-à-vis du recrutement, dans leur façon de recruter des travailleurs, des talents, des compétences. Naturellement, beaucoup sont quand même très orientés sur le salariat et ne pensent pas forcément à une autre option dans un premier temps. À ton avis, ce changement, comment on doit l'opérer ? D'abord, je peux te dire que comment nous, on fait aujourd'hui. Et nous, on a un vrai équilibre entre les recrutements et nos partenaires qui sont des indépendants. On a besoin d'avoir un cœur d'équipe et des personnes qui travaillent avec nous au quotidien, ce sont nos salariés. Les personnes que l'on va... Quand on cherche des indépendants, en plus, on cherche des expertises. Mmh. Des expertises qui sont plus pointues, qui sont aussi plus ponctuelles, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin tous les jours d'avoir un prototypeur ou un UX à nos côtés tous les jours. On n'arriverait pas à le staffer. Oui, oui. Et en plus, s'il était salarié, il serait probablement moins expert. Oui. Parce qu'il ne ferait pas que ça, il le ferait de temps en temps et il n'arriverait pas à développer de son expertise. Donc, on a beaucoup de designers, de UX. Qui sont des freelances. Après, on a aussi des freelances qui sont des facilitateurs. Et là, ils sont des facilitateurs et on aime faire appel à eux. À quel moment ? Quand on a des pics, quand tout à coup, il faut qu'on anime 200 personnes, et ben nous, on n'a pas forcément à disposition 20 facilitateurs en interne. Là aussi, on ne pourrait pas avoir... On n'aurait pas une bande passante qui... Enfin, on ne pourrait pas les staffer tous les jours, donc ça ne serait pas optimisé, oui. Si je puis dire, en termes de charge. Donc, on a besoin de faire appel lors des pics à un écosystème d'indépendants, de freelance sur la facilitation. Donc, nous, on a recours des freelance pour deux raisons principales. Un, pour gérer nos pics, quand à un moment donné, on a besoin d'un grand nombre de personnes. Et deux, parce qu'on a besoin d'expertise pointue, vraiment pointue, et on sait qu'ils seront plus pointus si c'est vraiment des experts du sujet et qu'ils ne font que ça. Donc, je pense que quand un décideur il pense accompagnement, enfin recrutement freelance, il y a aussi le fait de dire Quand on fait appel à un freelance, on fait appel à un entrepreneur. On fait appel à quelqu'un qui mouille la chemise pour la réussite de projet, comme si c'était son propre projet. Si ça se passe mal, et ben il n'a pas un job à la fin du mois, et la prochaine fois, on ne le reprend pas. Ouais. Donc, il met ses tripes sur la table à chaque fois. Et du coup, il y a un engagement aussi qui est très fort. Certes, il n'est pas salarié, et ce n'est pas sa boîte, son bébé, mais c'est sa mission, il va se battre pour ce projet-là, parce que sinon, la fois d'après, on ne sait pas comment. Ouais. Et du coup, il y a quand même aussi une démarche d'engagement et d'implication qui est géniale. Voilà, donc, et ça demande, je pense que ça permet aussi plus d'expertise et plus de souplesse dans l'organisation. Donc moi, j'y vois beaucoup d'intérêt et beaucoup de bénéfices. Et voilà, sur notre site, par exemple, tu vois notre équipe et notre écosystème de partenaires. Ouais. Et voilà, et on a une grande variété de partenaires. Quand on travaille, tu vois, dans le métier de la transformation et de l'impact positif, il y a tellement, tellement, tellement de domaines. Oui. Tu vois, le domaine sociétal, social, le bilan carbone, la mesure de l'impact, que tu travailles pour la banque, que tu travailles pour une industrie aéronautique, l'agroalimentaire. Mais comment pourrions-nous avoir toutes ces expertises en interne? C'est impossible. Ouais. Donc, il faut qu'on puisse travailler avec un écosystème. Et ça aussi, ça se pense. On en vient à notre moment musical. Alors, je vais te demander quelle musique tu souhaites demander au DJ du bal local. Je me souviens en mars 2020, le soir où Macron a parlé et qu'on était tous ensemble en séminaire à Toulouse, toute l'équipe qui est là, mais quand on avait pris du champagne, on s'est dit mais non. Et que nos mines se sont décrites au fur et à mesure du confinement et de l'impact que ça allait avoir pendant les 3 prochains mois. Et on s'est dit, bon, on ne va pas être complètement les bras ballants. Et on s'est remobilisé, on s'est serré les coudes. On a pleuré, on a bu et on a mis Unstoppable de Sia. On a besoin de cette énergie de Mavoud pour y croire et se dire que... on va y arriver, on est unstoppable. Donc, quelque part, ces 2 années qu'on vient de vivre chez Springlab, et pas que chez Springlab, nos clients, le monde, en disant qu'on a vraiment besoin de se réénergiser. Et je trouve cette chanson, pour moi, elle est très forte pour ça. On écoute ça. Comment vous trouvez les experts freelance pour vos projets? Alors, c'est beaucoup par cooptation. Lorsque je travaille avec un designer qui ça se passe très bien, je lui demande à l'occasion d'une autre mission s'il me recommande d'autres de ses collègues, si l'on doit avoir un groupe plus grand. Je pense à la collab aussi, qui fédère en fait un réseau d'experts ou de freelance. Et donc, je sais qu'il y a une espèce de qualité que je vais trouver. Donc voilà, c'est une sorte de cooptation. Après, j'entretiens ce réseau, nous entretenons ce réseau parce que pour qu'il se rende disponible quand on en a besoin, il faut aussi que nous, on investisse du temps, de l'énergie. C'est des gens avec qui on garde un contact assez en proximité, qu'on invite à des soirées, qu'on entretient. C'est vraiment un réseau et un écosystème qu'on entretient, qu'on va choisir aussi sur des valeurs communes. Bien sûr sur des expertises, bien sûr parce qu'ils sont super pros, qu'ils sont très impliqués, mais aussi parce qu'il y a un fit sur les valeurs. Et voilà, on va entretenir ce réseau-là pour pouvoir être sûr que quand on a besoin de lui, il est au rendez-vous. Et aussi, on doit le développer parce que le nombre d'expertises qu'on a besoin d'agréger est de plus en plus grand, notamment avec l'impact positif qui vient toucher tellement de champs. Qu'on a besoin d'agrandir et de développer notre écosystème, à la fois à Paris et à Toulouse. Ouais, mais je pense que entretenir l'écosystème, c'est un des enjeux phare de, voilà, de plusieurs entreprises aujourd'hui, parce qu'ils ont compris que même si on prenait à un moment donné quelqu'un pour une mission, c'est pas pour autant que demain on n'aurait pas besoin une nouvelle fois, et que ça serait plus facile de pouvoir revenir vers elle plutôt que de rechercher à nouveau le talent et la ressource. C'est vrai que la qualité, c'est un vrai enjeu, puisque tu as des missions assez complexes sur lesquelles il y a des expertises fortes. Quand tu recrutes, j'aimerais bien creuser encore un peu ce point. Est-ce que tu vas faire passer plutôt des entretiens, ou tu vas plutôt les imaginer comme des prestataires et leur faire, je sais pas, chiffrer quelque chose? Quelqu'un que tu ne connais pas, avec qui tu n'as pas encore l'habitude de travailler? Alors, moi, je les mets en situation réelle, en fait. Je les invite souvent à venir dans une réunion d'équipe où on est en train de réfléchir à la mission sur laquelle on est en train de répondre, hein, qu'on est en train de développer, ouais. Soit qu'on a déjà, soit qu'on aimerait gagner. Je mets cette personne-là en situation d'être un acteur ou une actrice au sein de l'équipe, et je vois comment ça se passe, qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'elle apporte en créativité, en proposition, en capacité à décider, à l'idée, à faciliter. Donc pour moi, c'est de la mise en situation que je fais. Voilà, je fais rarement, enfin, après on peut faire un entretien un peu classique, mais ça m'apporte pas grand-chose dans la connaissance de la personne. On a beaucoup cette façon d'agir aussi. En fait, finalement, pour savoir si on peut travailler ensemble et si c'est la personne idéale pour le sujet, la mission, ben, rien de mieux que de commencer à faire des choses ensemble, être dans le doux, en fait, plutôt que dans l'expression des idées des uns et des autres. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est aussi une bonne pratique qu'on a chez la collab. Et donc, du coup, on retient cooptation. Plutôt être dans l'action et au cœur du projet et de la mission directement pour voir quelles sont les synergies, et la fidélisation. Ok, merci pour ce regard. On avait aussi une petite question, plus de l'ordre de l'anecdote. Oui, donc Vanessa, est-ce que tu as une anecdote à propos d'une collaboration avec un freelance? Alors, en fait, tellement, en fait. Mais j'ai envie de dire la dernière qui me vient à l'esprit, et j'en parle parce que je suis ici avec la collab, et donc on travaille avec beaucoup d'indépendants du réseau de la collab. Ouais. Et je pense à Adèle, à qui on avait demandé, mais comment est-ce qu'on pourrait communiquer sur le fait que Springlab devienne une société à mission, mais on veut que ce soit audacieux, différent, un peu solennel, et elle nous a proposé de slammer finalement notre flamme, et c'était génial, en fait. Elle nous a proposé ce dispositif de slam, elle a écrit notre slam, on a enregistré le slam, et c'était une expérience collective géniale, et je pense un acte de communication assez remarquable, différenciant, audacieux, avec ce côté un peu grave aussi des paroles qu'on portait. C'est-à-dire que c'est pas juste funky et drôle rock, non, c'était très sérieux, mais en décalage, avec beaucoup d'audace, et en plus je trouve beaucoup de finesse, parce qu'elle a compris complètement ce qu'on voulait dire, et qu'elle l'a mis en mots, et waouh. Ouais, et c'était l'aboutissement de tout ce travail, parce qu'en fait, au final, vous y avez quasiment tous participé à ce slam, et cette officialisation à tout l'écosystème, bah, c'est encore une fois quelque chose que vous avez vécu tous ensemble. Du coup, c'est vrai que c'est des traits à votre, on va dire, à votre image, à vos valeurs, à votre façon de fonctionner, et ouais, beau projet. Je vous invite à aller voir le slam sur le LinkedIn et sur le site, je pense, de Springlab. Il est très sympa. Ouais, c'est un beau moment collectif. pour clôturer quasiment cette interview, j'avais une question. On va prendre un petit peu de hauteur, et je vais demander un petit peu de ta vision. Comment vois-tu la transformation du travail et son évolution dans les 5 prochaines années? Si on fait un tout droit jusqu'à, du coup, maintenant 2027. C'est très loin, et surtout quand on voit ce qui s'est passé en 2 ans et comment le monde du travail les 2 dernières années a été bouleversé. Ouais. C'est un exercice difficile que tu me demandes. Néanmoins, si je dois me projeter dans quelque chose de demain, mais que je sens déjà aujourd'hui, c'est que j'imagine les organisations, elles seront très ouvertes. J'imagine pas que tu organises les CDD, les CDI. Enfin, je crois pas du tout à une organisation partie de contrat. Mm-hmm. Ça me semble pas du tout le futur. Par contre, une organisation ouverte qui travaille avec son écosystème, apprenante aussi, une organisation qui est très évolutive, qui va être très mouvante, avec probablement des cercles projets ou des cercles d'intérêt, des communautés. Mm-hmm. Une organisation très décentralisée aussi, où la décision, elle se fait par ceux qui agissent, mm-hmm. et pas forcément le comité de direction qui décide de tout, le COMEX qui porte la oui. stratégie, la vision. Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit être au plus près oui. du terrain et de la décision. Enfin, de la décision soit au plus près de la réalité. Oui. Ouais. Voilà, si le point est de dire quelle est la place des freelances demain, moi j'imagine très, très forte, parce que je pense qu'on pourra, et d'ailleurs mes salariés, ils vont bosser pour d'autres aussi. Donc on peut avoir, il y a plein de projets qui émergent pour dire on a des talents, est-ce qu'ils peuvent servir d'autres sociétés, et finalement se dire les talents peuvent travailler pour différentes entreprises. Mmh. Et ça, pour moi, ce n'est pas du tout un problème. C'est une ouverture d'esprit. C'est sans doute aussi de répondre aux besoins de sens, aux besoins de progresser. Et voilà. Et je pense qu'il y a une vraie guerre des talents. Et que les talents, il faut savoir les fidéliser et donc les intéresser tout le temps ouais. et les faire grandir. Et peut-être ça se passe en dehors de l'entreprise. Peut-être que ça se passe en dedans. Enfin, il vaut mieux qu'à un moment donné, ça se passe aussi en dedans. Mais tout ça, ça doit être assez fluide. Ouais. Est-ce que tu vois une différence entre un expert et un talent ? Alors, un expert, oui, un talent. Alors, l'expertise, on va dire, c'est quelque chose qui peut être technique, qui peut être précis. Et un talent, c'est peut-être aussi sur des dimensions plus soft, plus... plus qui vont rayonner. Moi, les talents, je travaille sur des programmes de talents, par exemple, ouais. les entreprises, c'est de repérer ceux qui vont être les leaders de demain, ceux qui vont développer la société de demain, mm-hmm. l'entreprise. Et les experts, ils peuvent être toujours hyper bons sur un domaine d'activité ouais. et y passer leur vie. Ouais. Et on a besoin d'être experts. Ouais. Et on a besoin de talents. Et ouais. c'est pas tout à fait la même chose. Ok. Ben, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. As-tu un mot pour la fin, une citation, un mantra ? Alors, moi, ce qui m'anime beaucoup, c'est de... Au-delà des paroles, c'est d'agir. Donc, notre motto chez Spring Lab, c'est Act for Positive Impact. Parce qu'on n'a plus trop le temps de tergiverser. Il y a une espèce d'urgence à agir pour qu'un monde meilleur pour la planète, pour les hommes, les femmes, pour la société, émerge. Donc, quelque part, il y a une urgence à agir et qu'il faut, pour moi, l'action. Il faut qu'on se mette en action, nous, individuellement, collectivement, et que dans notre métier, on pousse à ce qu'il y ait une action pour cet impact positif. Donc, Act for Positive Impact. Chouette. Et après le bal, Vanessa, où c'est qu'on peut retrouver Spring Lab ou toi personnellement ? Alors moi, le site, c'est la bonne porte d'entrée. Sinon, mon LinkedIn aussi, Vanessa Virling. Le site de Spring Lab, le LinkedIn de Spring Lab. Notre chaîne YouTube, où il y a notre superbe slam aussi. Voilà. On ira voir ça. Bah, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu de ce podcast. Je pense une première pour toutes les deux. J'ai passé un très bon moment et je pense que nos auditeurs seront ravis de profiter de ce bel échange. Merci beaucoup pour cette conversation et à très vite. À bientôt. Alors ça y est, vous êtes prêts à transformer votre entreprise, à aller vers de nouvelles idées, adopter un nouveau management ? Croire en l'intelligence collective ? Nous espérons vraiment que cet épisode vous a donné les billes, les pistes, les actions que vous pouvez mettre en place à votre échelle. D'ailleurs, pour la petite histoire, Spring Lab fait souvent appel au collectif de freelance La Collab pour des projets en marketing communication. Ils viennent chercher dans les talents du collectif la créativité, l'expertise et aussi une envie d'entreprendre. La saison 3 du bal local bat son plein. Si ces épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à les partager autour de vous, à en parler. Ça nous aide vraiment à nous faire connaître et ça motive un max de freelance à aller à l'encontre de nouveaux interviewés pour enregistrer les prochains épisodes. À ce propos, je vais vous parler aussi d'une note 5 étoiles qu'on nous a laissée sur Apple Podcasts. Il s'agit de Anaïs G. Communication. Elle nous dit un podcast qui nous donne toute la motivation et les clés nécessaires pour développer notre micro-entreprise. Une dose de bonne humeur, expertise idéale pour de longues nuits de travail. Si comme Anaïs, vous aimez les épisodes du Bal Local, vos étoiles motiveront à fond les chefs d'orchestre pour les prochains épisodes. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici. J'ai été ravie de partager cet épisode avec vous. C'était Laura, en direct du Bal Local.